rue. Tu peux oublier mes mots, mettre ton cœur en épave et me haïr jusqu'à que tu ne puisses plus. Et après tant de partages, tant d'intensité, de réciprocité, tu arraches notre page. Je voulais la tourner, tu me l'as prise des mains, t'en as fait une boule et t'as raté ton panier. De bec. En ce moment Jacob, je comprends tous ces mecs qui se disent toutes des salopes. Avec sa prise de bec, en ce moment Jacob, je comprends tous ces mecs qui se disent toutes des salopes. Toutes des salopes. D'accord, c'est moi le pourri. Tu vois, je fais pas ma victime, j'ai fait sombrer notre yacht aux abîmes. Mais je mets au défi le plus grand des navigateurs de flotter avec mon bateau un jouet Kinder. Mais tu vois, je pense ne t'avoir jamais menti. Mais tu vois, je danse, je vous fais l'abruti. Là, je m'amuse plus, je voudrais juste oublier ces coups de pute que tu m'as fait. Avec ces prises de bec, en ce moment Jacob, je comprends tous ces mecs qui se disent toutes des salopes. Avec ces prises de bec, en ce moment Jacob, je comprends tous ces mecs qui se disent toutes des salopes. Toutes des salopes. Je comprends tous ces mecs qui disent toutes des salopes. Avec ces prises de bec, en ce moment Jacob, je comprends tous ces mecs qui disent toutes des salopes, toutes des salopes. Je comprends tous ces mecs qui disent toutes des salopes, toutes des salopes. Je comprends tous ces mecs qui disent toutes des salopes, toutes des salopes. Toutes des salopes, toutes des salopes.